Section 19 de Contes, anecdotes et récits canadiens par Aristide Filiatreau. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La balance à Pierre. Pierre Matt est un boulanger résidant dans une paroisse du Nord. Il a parmi ses clients un nommé Joseph Latulippe, un habitant qui a plusieurs vaches et qui vend le beurre qu'il fait parmi les gens du village. Ce dernier ne paie jamais de pain au boulanger, mais en revanche, il lui fournit du beurre par paquet de 3 livres chaque fois qu'il en a besoin. Cet échange durait depuis plusieurs années et il n'y avait jamais eu de règlement de compte entre les deux copains qui se traitaient en amis. Le boulanger avait un petit air narquois qui l'agaçait beaucoup. Il cherchait un moyen de lui remettre ce procédé inqualifiable. En dehors de cette légère circonstance, Pierre faisait toujours preuve d'une politesse exagérée envers son vieux camarade qui lui rendait la parcelle. Ils avaient grandi côte à côte, continuant à s'estimer réciproquement. Cependant, Joe était toujours à la recherche d'un moyen de scier Pierre sans qu'il pût s'en formaliser. Un bon jour, il crut avoir trouvé le joint et il résolut de mettre de suite son projet à l'exécution. La première fois qu'il rencontra son ami, il l'arrêta et lui dit ceci. « Mon ami Pierre, tu voudras bien me permettre une remarque que je fais sans mauvaise intention ?» Ce n'est pas pour te blesser que je vais te dire ça, mais il y a longtemps que ça me chicote, et je voulais te le dire plus vite, mais ça me coûtait trop, de peur de te faire de la peine. Mais tu sais, je suis bien patient, et je ne voulais pas briser nos relations amicales. Ton pain pèse pas le poids. Vrai? Ben, ça m'étonne pas. Parce que tu sais bien que j'ai pas de balance. Comment fais-tu ton compte pour pas te tromper sous le poids de ta marchandise? C'est bien simple. J'ai planté un piquet et j'ai mis une barre en travers comme ça. J'ai pris ensuite des ficelles que j'ai attachées à 2 espèces de soucoupes comme ça. Mon pain est supposé peser 3 livres, ton paquet de beurre aussi. Quand je reçois ton beurre, je le mets dans une des soucoupes et je mets le pain dans l'autre. Ça balance toujours. Tu vois que c'est bien simple. Fin de la section 19, lue par Sandra, près de Montréal, 2026. Fin de Contes, anecdotes et récits canadiens par Aristide Filiatreau.